chapitre 37e. Bien entendu, Clémence n'avait pas eu besoin des avertissements de M. de Carquebus pour penser à surveiller Louis. Elle n'était pas en effet de ces femmes qui ne veulent rien voir et à qui il faut ouvrir les yeux de force. Dès le lendemain de l'arrivée de Louis à Rudemont, elle avait eu à son sujet un entretien avec le marquis. Assurément, elle n'avait pas d'accusation à porter contre M. Louis Mérot, qui était bien le jeune homme le plus honnête et le plus réservé qu'elle eût jamais vu. Cependant, par cela qu'il était jeune et qu'il venait s'établir dans une maison où il y avait une jeune fille, peut-être y avait-il quelques précautions à prendre. Quelles précautions ? Avait demandé le marquis. Mais M. Louis et Denise ont fait ce matin, après déjeuner, une longue promenade en tête-à-tête dans le tour du parc. Eh bien, si M. le marquis approuve ces promenades, je n'ai rien à dire. Je ne les approuve ni ne les désapprouve. Je ne m'en mêle pas. Louis et Denis sont libres de se promener dans le tour du parc comme partout, et s'ils recherchent le tête-à-tête, c'est qu'ils aiment à être ensemble. Elle l'avait alors regardé avec une certaine surprise. Vous avez dit, n'est-ce pas, que Louis était un honnête garçon? Je le crois comme vous. Quant à Denis, c'est l'innocence même. Eh bien, alors nous pouvons les laisser se promener, jouer, causer, rire, sans le moindre inconvénient. J'ai pleine confiance dans la jeunesse. Je ne voudrais pas que Denise descendît seule au village avec mon cousin Artem. Je la laisserai aller seule avec Louis jusqu'à Paris. Voilà la nuance pour moi, et elle a le résultat de l'expérience. J'avais pensé, je vous remercie de l'avertissement, et je dégage absolument votre responsabilité. Je n'ai jamais cru qu'elle fût bien fortement engagée. Seulement il m'a semblé que cette intimité pouvait donner naissance à certains sentiments qui, plus tard, gêneraient peut-être vos projets, voilà tout. De ce côté, soyez encore rassurés, car je puis vous dire, mais cela tout à fait entre nous, que si les sentiments auxquels vous faites allusion venaient à naître, je ne ferais rien pour les empêcher de se développer. Il ne me déplairait nullement que ces enfants se prissent l'un pour l'autre d'une affection réciproque. Je ne ferais rien pour provoquer cette affection, mais d'un autre côté, je ne ferais rien non plus pour la prévenir. Je veux pour eux une liberté entière. Elle n'en demanda pas davantage. La franchise du marquis était parfaitement claire. Il désirait un mariage entre Denise et Louis. En laissant aller les choses, il était donc probable que ce mariage se ferait. Quel intérêt avait-elle à laisser les choses aller? On lui ferait un cadeau le jour où son élève épousera le substitut, la belle affaire en vérité. Et elle aurait donné les plus belles années de sa vie, les meilleures, les dernières, pour ce résultat? Ce serait tout ce qu'elle aurait pu, tout ce qu'elle aurait su tirer de la riche situation au milieu de laquelle le hasard l'avait placé. Ah non, mille fois non. En sortant de chez le marquis, elle voulut interroger son élève, car il lui importait de savoir au juste où en étaient les choses. Mais elle n'en put rien tirer de précis, ou tout au moins, rien qui fût de nature à lui permettre des conjectures raisonnables. Denise était très heureuse de se promener avec M. Louis, qui était bien plus jeune et bien plus gai qu'elle n'avait cru. Sa gravité pendant tout l'hiver avait tenu sans doute à des soucis d'affaires, car maintenant qu'il était libre, il était toujours d'humeur joyeuse et plein d'entrain. Il connaissait tous les oiseaux par leur nom, il savait par cœur beaucoup de beaux vers, il les récitait admirablement avec un accent qui remuait l'âme. Il choisissait toujours ses morceaux dans les vieux poètes ou dans les tout jeunes. Il y avait une pièce Rudemont dont il n'avait pas pu lui nommer l'auteur. Que j'aime Rudemont avec ses grands bois sombres. Il faudrait le lui faire dire un soir. Se promener pour faire de l'ornithologie n'était pas bien significatif aux yeux de Clémence, mais les vers commençaient à donner un certain caractère à ses promenades. Cependant, comme tout est possible avec des jeunes gens, même la poésie pour le plaisir de la poésie, elle voulut entendre elle-même ce qui se disait dans ses conversations. La disposition du tour du parc rendait son observation assez facile. La levée de terre, en effet, s'ouvrait de place en place pour laisser passer les chemins qui s'en allaient dans la campagne ou dans la forêt. Mais pour ne pas interrompre la promenade, on avait jeté sur ces coupures des ponts formés de troncs d'arbres rapprochés les uns contre les autres. En se plaçant sous l'un de ces ponts, on entendait facilement ce que disaient les personnes qui passaient dessus. Malheureusement, pour la réussite de son plan, ils étaient passés en courant, et elle n'avait entendu que leurs pas. Résonnant faiblement sur les arbres à demi pourris. Pas un mot, rien. Quelques secondes seulement après leur passage, deux éclats de rire, comme s'ils se moquaient d'elle. Sans se dépiter, elle avait attendu leur retour. Mais au lieu de rentrer au château en revenant sur leurs pas, ils avaient abandonné le tour du parc pour prendre une allée droite. Le lendemain, elle était retournée à son poste d'observation. Elle n'avait pas été plus heureuse. Ils avaient passé doucement, marchant d'un même pas, sans parler. La seule remarque caractéristique qu'elle avait pu faire avait été cet accord dans la marche. Se tenaient-ils par le bras? Étaient-ils appuyés l'un sur l'autre? Elle n'avait pu les voir et avait dû s'en tenir aux inductions qu'elle pouvait tirer du bruit de leurs pas. Cependant, comme il lui déplaisait de s'exposer chaque jour à pareil déconvenu, elle avait renoncé à cet espionnage. « Je trouve que vous n'avez guère souci de mon avertissement, » lui dit M. de Carquebus lorsqu'il la vit abandonner le tour du parc. « Il vous plaît donc de voir mon coquin de neveu mettre à mal votre élève? Vous voudriez que j'empêchasse Denise de se promener avec Louis? Je voudrais voir arrêter ce garçon dans ses mauvais desseins. J'ai prévenu M. le marquis, il ne voit pas d'inconvénient à ses promenades. « Comment ? » s'écria M. de Carquebus. « Il ne voit pas d'inconvénient à ses promenades ? C'est donc tout à fait un imbécile. Et l'on dit qu'il a eu des maîtresses. Si cela est vrai, il devrait connaître les femmes, n'est-ce pas ? Mais non, il ne connaît rien. Je l'ai toujours dit, ces hommes qu'on appelle des beaux hommes sont des niais. Parce qu'ils n'ont qu'à paraître pour éblouir les femmes, ils se figurent qu'ils sont des aigles. Des niais, des imbéciles. Ah, s'ils devaient leur conquête à leur intelligence !» Il mit une main sur sa hanche et l'autre derrière son dos. S'ils les devaient à leur mérite personnel, ce serait bien différent. Ils apprendraient à connaître la vie. Un bon conseil en passant, ne vous laissez jamais aimer par un bel âtre. Si je me laisse jamais aimer, dit-elle en le regardant dans les yeux avec un sourire narquois, ce sera par un homme très intelligent. Il s'épanouit. Pas beau, continua-t-elle. Il se renfrogna. Pas jeune. Il fit une horrible grimace. « Mais néanmoins charmant, » conclut-elle. « Et quand cela arrivera-t-il » s'écria-t-il. « Ah, voilà, mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit, ni de vous, bien entendu, car vous n'êtes pas vieux, vous n'êtes pas laid, vous n'êtes pas... C'est de Denise et de votre neveu, et vous devez comprendre que je suis obligé de respecter les intentions de monsieur le marquis. » « Le marquis est un niais, je vous le répète, ou bien, s'il n'en est pas un, il poursuit un but honteux. Je ne puis pas entendre cela. » Il veut obliger mon neveu à épouser sa bâtarde, cette fille de comédienne, mais cela ne sera pas, je vous en donne ma parole. Mon neveu est mon neveu, je suis le chef de la famille et le ferai voir pour empêcher une pareille bassesse. Ces marquis, ces hommes de la régence, je montrerai à celui-là ce qu'est un homme de la révolution. Sa prétention, en effet, était d'être un homme de la révolution. Mille fois plus aristocrate que le marquis, infatué de son nom de Carquebus, qui ne lui appartenait pas, mettant le paysan au-dessous de l'espèce animale, dur aux pauvres, insolent avec les faibles, il se prétendait fils de la Révolution. « Comme Napoléon, » disait-il. C'était sa manière d'humilier le marquis, vieux crouton de l'ancien régime, tandis que lui, le sieur Artème de Carquebus, était un homme de progrès, de lumière et de mouvement. Si Clémence renonça à ses promenades secrètes du tour du parc, elle ne renonçait pas pour cela, à savoir jusqu'à quel point précis Louise et Denise étaient liées l'un à l'autre. Mais comme en réalité rien ne la pressait, elle voulait attendre son jour et son heure. Ce moment favorable à l'exécution de son dessein, elle crut l'avoir trouvé la veille du départ de Louis pour Condé. Si Louis s'était tout d'abord tenu sur ses gardes, il devait être rassuré par la tranquillité dont il avait joui, et conséquemment il se laisserait plus facilement surprendre. Le temps, qui avait été beau depuis une quinzaine de jours, s'était mis au mauvais, mais avec des éclaircies qui permettaient quelques courtes promenades. C'était là un heureux hasard qui servait Clémence à souhait. Son but, en effet, était d'aller se cacher dans un pavillon qui se trouvait sur le parcours de l'allée. Les jeunes gens entreraient sûrement dans ce pavillon, et de derrière un rideau, elle les verrait, de même qu'elle entendrait leur entretien. À la veille d'une séparation, il était à croire qu'ils se livreraient à leurs sentiments, et si des paroles décisives n'avaient point encore été prononcées entre eux, elle pourrait bien l'être, elle devrait l'être à ce moment. Lorsqu'elle les vit sortir comme à l'ordinaire, elle les suivit de loin, avec des précautions pour n'être point vu d'eux si par hasard ils se retournaient. Ils prirent le tour du parc, marchant doucement, lentement, comme s'ils étaient sous le poids d'une pénible préoccupation. Allait-il entrer dans le pavillon ? Ils le dépassèrent. Sans doute ce serait pour leur tour. Clémence résolut donc de les attendre. Bâti sur une pointe de la colline, ce pavillon s'avançait comme un coin dans l'espace, ne tenant au parc que par l'allée sur laquelle la porte s'ouvrait. De ses fenêtres circulaires, la vue s'étendait librement sur un espace immense, jusqu'à Condé-le-Châtel et bien au-delà. Il se composait de quatre pièces, une entrée flanquée de chaque côté de deux cabinets et un grand salon plein de livres et de journaux. Ces dispositions rendaient une surprise facile pour elle. Il n'y avait qu'à se cacher dans l'un des cabinets. Comme Clémence poussait la porte d'un de ces cabinets, elle se trouva face à face avec M. de Carquebus et instinctivement elle se jeta en arrière. Mais celui-ci, la prenant par la main, la retint vigoureusement. « Je parierais, dit-il en riant, que nous avons eu la même idée. « Nous mettre à l'abri de la pluie qui menace, dit-elle. « Pas précisément, petit lutin, mais surveillez Louise et Denise. « Comme j'ai pris les devants, permettez-moi de vous faire les honneurs de notre cachette. « Entrez donc, je vous prie. » Cette association n'était pas pour lui plaire. Cependant, ne pouvant pas refuser, sous peine de perdre l'occasion, elle entra dans le cabinet.